Tu me trouveras pas dans Validé, ni dans Rondoncer, ni dans Brûle, pas de clip avec de grands danseurs. Parce que le rap d'aujourd'hui gage leur classement imito. Mais non, tu veux faire croire qu'il y a jamais eu un death. Basique, maman, maman, zik, mets des high kicks comme dans le coup, ça devient tragique. Génération 7, 9, brave, bicrave, j'ai grandi dans le hall avec la pédave et la piave. Génération Toumani, génération Moussa, la Fnac c'est Roumanie, Skyrock c'est Captain Broussa, Brassard du Capitaine Panam, le cartel. Le bazar, Hades, le bordel, Brassard du Capitaine Panam, le cartel 19, le bazar, Hades, le bordel, Hades, char du gouffre, fois, demande à charge, je me tape des mélodies, le rap c'est plein de bâtards, et j'en suis un aussi. Dans ma vie, allez, j'tard, comment devenir une star, si je suis entouré de putes comme moi, Nassi. Demande à charge, je me tape des mélodies, le rap c'est plein de bâtards, et j'en suis un aussi. Dans ma vie, allez, j'tard, comment devenir une star, si je suis entouré de putes comme moi, Nassi. Rajoute un degré de plus dans ma discographie, j'ai mis ma bite dans le rap, fais de la pornographie. J'suis le meilleur des meilleurs, fais de la sérigraphie. Sois un polo night, signé repenti sur ta géographie. Va dans 19 zoos, je baisse ta go. J'lui fais des bisous, acte consenti, ce qu'elle a ressenti. Un skeg dans le trou, elle s'appelle Mélodie. Comment j'suis pas gentil, pas gentil, pas gentil. Comment j'suis pas gentil, pas gentil, pas gentil, pas gentil. Comment j'suis pas gentil. Demande à charge, j'me dope tes mélodies. Le rap c'est plein de bâtards, mais j'en suis un aussi. Dans ma vie, allez, j'tard, comment devenir une star, si j'suis entouré de putes comme moi, Nassi. Demande à charge, j'me dope tes mélodies. Le rap c'est plein de bâtards, mais j'en suis un aussi. Dans ma vie, allez, j'tard, comment devenir une star, si j'suis entouré de putes comme moi, Nassi. J'veux le disque d'or, mais je l'aurai jamais. Moi, j'suis trop hardcore, mais j'te l'ai déjà dit. Ton fils, il m'adore, ma zik l'a jamais. C'est le royaume du feu, pas du paradis. Je veux le disque d'or, mais je l'aurai jamais. Moi, je suis trop hardcore, mais je te l'ai déjà dit. Ton fils, il m'adore, ma zik l'a jamais. C'est le royaume du feu, pas du paradis. Demande à charge, je me tape tes mélodies. Le rap, c'est plein de bâtards, mais j'en suis un aussi. Dans ma vie, allez, j'tard, comment devenir une star, si je suis entouré de putes comme moi, Nassi. Demande à charge, je me tape tes mélodies. Le rap, c'est plein de bâtards, mais j'en suis un aussi. Dans ma vie, allez, j'tard, comment devenir une star, si je suis entouré de putes comme moi, Nassi.